Aventure d'Alice au pays des merveilles par Lewis Carroll, traduit de l'anglais par Henri Buet, lu par Charlotte pour audiocité.net sous licence creativecommons.org. Dédicace. L'auteur désire exprimer ici sa reconnaissance envers le traducteur de ce qu'il a remplacé par des parodies de sa composition, quelques parodies de morceaux de poésie anglais qui n'avaient de valeur que pour des enfants anglais. Et aussi de ce qu'il a su donner en jeu de mots français, les équivalents des jeux de mots anglais dont la traduction n'était pas possible. Notre barque glisse sur l'onde que dore de brûlants rayons. Sa marche lente et vagabonde témoigne que des bras mignons, pleins d'ardeur, mais encore novices, tout fiers de ce nouveau travail, mènent au gré de leurs caprices les rames et le gouvernail. Soudain, trois cris se font entendre, cris funestes à la longueur dont je ne pouvais me défendre par ce temps chaud qui rend rêveur. Un conte, un conte, disent-elles toutes d'une commune voix. Il fallait céder au cruel, que pouvais-je, hélas, contre trois? La première, d'un ton suprême, donne l'ordre de commencer. La seconde, la douceur même, se contente de demander des choses à ne pas y croire. Nous ne fûmes interrompus par la troisième, c'est notoire, qu'une fois par minute au plus. Puis, muette, prêtant l'oreille au conte de l'enfant rêveur qui va de merveille en merveille, causant avec l'oiseau causeur, leur esprit suit la fantaisie où se laisse aller le conteur, et la vérité tôt oublie de se confier à l'erreur. Le conteur, espoir chimérique, cherche, se sentant épuisé, a brisé le pouvoir magique du charme qu'il a composé, et tantôt voudrait de ce rêve finir le récit commencé. Non, non, c'est tantôt, pas de trêve, est le jugement prononcé. Ainsi, du pays des merveilles, se racontèrent lentement les aventures sans pareille, incident après incident. Alors, vers le prochain rivage, où nous devions tous débarquer, rama le joyeux équipage. La nuit commençait à tomber. Douce Alice, acceptez l'offrande de ces gais récits enfantins et tressez-en une guirlande, comme on voit faire aux pèlerins de ces fleurs qu'ils ont recueillies et que plus tard, dans l'avenir, bien qu'elles soient, hélas, flétries, ils chérissent en souvenir.